Vous écoutez France Culture. Comment 6 heures ? Mardi 5 novembre, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous réveiller avec France Culture et avec Un autre jour est possible. Notre semaine Camus, l'histoire au présent continue. Après l'Algérie hier, l'Afrique du Sud aujourd'hui et comme invité André Brine qui sera avec nous tout à l'heure aux alentours de 6h15. Mais tout de suite, c'est la séquence archives, 50 ans de France Culture en 50 archives précieuses. Et aujourd'hui, toujours avec Juroy sur les traces de Camus à Alger en 1979, on retrouve une émission produite par Jean Montalbetti et réalisée par Jean-Claude Loiseau. Et nous sommes aujourd'hui à Sidi Ferruche. Un homme, une ville. Albert Camus à Alger avec Jules Roy. Par Jean Montalbetti et Jean-Claude Loiseau. Il y a pour les hommes d'aujourd'hui un chemin intérieur que je connais bien pour l'avoir parcouru dans les deux sens et qui va des collines de l'esprit aux capitales du crime. Bien sûr, on peut toujours le refuser, s'endormir sur la colline ou se carrer dans le crime. Mais si l'on renonce à une part de ce qui est, il faut renoncer soi-même à être. Il faut donc renoncer à vivre ou à aimer autrement que par procuration. On a de quoi passer de l'autre côté. Ça, non, mais c'est fermé sans doute là. Vous êtes le gardien ? Non. Non ? Je ne suis pas le gardien est en bas. Il est en bas ? Oui. Ah bon, on pourra le voir, le gardien. On peut descendre par... Ouais. Le bâtiment qui est là, c'est quoi ? C'était un hôpital. Ah, c'est un hôpital. Ouais. Admirable. C'était un hôpital, une maison de repos. Extraordinaire. Oh, c'est pas mal d'avoir mis un hôpital et une maison de repos. Ouais, c'est bien. Au lieu même du débarquement. Enfin, c'est pas mal. Et un hôpital aussi. Merveilleusement... La mer des deux côtés, et en face, le chénois, Tipaza. Tipaza, oui. Mais on ne le voit pas aujourd'hui, c'est une journée très bonne. Mais d'ailleurs, quand on va à Tipaza comme ça par une journée triste, embrumée, où il semble que le soleil ne reviendra jamais, on a des impressions que Camus a beaucoup retrouvé dans Retour à Tipaza. Hein. Il n'a pas toujours été gâté, et on n'est pas forcément gâté quand on vient à Alger. On s'attend toujours à trouver le soleil, comme quand on va dans le sud et voir les oasis. Et puis on trouve un ciel gris et quelquefois la pluie. Cette pluie qui n'en finit pas, et comme dit Camus, cette pluie qui finit par mouiller la mer. Les salles voûtées, là on se croirait dans les caps de Vézelay. Pas tout à fait. Quoique, n'est-ce pas, nous retrouvons la croisade. C'est de Vézelay que la croisade est partie. La France est toujours en mal d'une croisade. Finalement, les Français ne sont heureux, je crois, que lorsqu'ils ont une grande intention. Est-ce que les Français sont pour autant un peuple de conquérants ? Oh, les Français sont... Ils se défendent d'être des conquérants, mais finalement, ils aiment bien ça. Et les grands hommes de leur histoire, c'est surtout des conquérants. Hein. Nous sommes là donc dans les souterrains, on a vraiment l'impression de se trouver effectivement sous un théâtre antique. Hein. Là aussi, toute la partie intérieure a été construite dans le même esprit. Il est beau ce théâtre. Il y a souvent des représentations ? Oui, en été, oui. En période d'été, bien sûr. En période d'été, tous les trois mois, il y a des artistes français. Comme l'année passée, on avait vu ici plutôt, comme Gilbert Bécaud, Frédéric François, les frères Jacques, etc. Il y a un festival chanson, également qui chanson, a lieu. Oui, il y a, ils ont préparé en 75 un festival des Jeux africains, des Jeux méditerranéens plutôt, et en, pendant les Jeux africains aussi. Et c'est là que le festival a eu lieu, là. Oui, oui, c'est ici même. Eh bien, alors, un théâtre et un hôpital, là où ont eu lieu tant de combats, et de combats terribles, parce qu'il y a des milliers d'hommes qui sont tombés, là. Je trouve ça assez beau. Si Camus avait disposé de ça, au lieu de disposer des misérables salles qu'il avait à l'époque, ou la salle Pierre Borde qu'on lui avait prêtée, il aurait peut-être attiré plus facilement les spectateurs, car en Algérie, se déplacer pour venir au théâtre, vous savez, surtout entendre, pour voir jouer des choses sérieuses, graves, des drames, des tragédies, des trucs comme ça. En Algérie, c'est pas tout à fait le genre. Mais si c'est pour venir en même temps à la mer, ah, et qu'il fasse beau, ah, alors là, ça change tout. C'est un beau théâtre, en tout cas, pour jouer Caligula. Ah oui. Avant d'entreprendre cette série historique sur la présence française en Algérie, Les Chevaux du Soleil, vous êtes dit, est-ce que je l'aurais fait si Camus avait été vivant ? Lorsque vous avez écrit La guerre d'Algérie, qui est un livre qui a eu un immense retentissement en 1960, quelques mois après la mort de Camus, c'est à lui encore que vous vous adressez. C'est très curieux le rapport que vous avez entretenu avec lui. D'abord parce que, à l'époque où vous viviez en Algérie, vous ne l'avez pas rencontré. D'autre part, vous étiez l'aîné de 7 ans, et 7 ans, ça compte à cette époque-là. Oui, ça compte terriblement. Mais la question d'âge mise à part, qui n'a été pour moi qu'un empêchement, j'avais pour Camus une telle admiration, et nous avions tous autour de lui une telle admiration, nous le considérions comme un esprit tellement extraordinaire que on n'osait pas faire d'objection. Et les objections, quand on en avait, étaient plutôt des suggestions, des « est-ce que tu crois pas que… » est-ce que… Et immédiatement, il arrêtait tout ça d'habitude. On savait qu'il avait son idée là-dessus, même s'il ne l'exposait pas. On savait que c'était comme ça. Et du moment qu'il l'avait dit, c'était comme ça, il fallait se tenir à ça. En tout ce qui concerne la position que nous pouvions avoir sur l'Algérie, c'était lui le maître. Il était le maître incontesté. C'était lui qui décidait de la position que nous devions avoir. Pas que nous devions avoir en étant soumis à lui, que nous devions avoir en toute raison. Car il est certain que tout ce qu'il pensait sur l'Algérie sortait de la raison. En tout cas, de son état d'esprit à lui, qui était que il n'était pas tellement sûr qu'une position ou qu'une autre pût avoir une prééminence. Il n'était pas tellement sûr que la vérité fût totalement la vérité et que le mensonge fût totalement le mensonge. Il y avait un mélange de tout ça et il fallait faire très attention à tout ce qu'on disait. Et en tout cas, ce qui était sûr, c'était que ce qu'il pensait là-dessus ne souffrait pas d'objection. Demain, suite de cette émission réalisée à Alger en 1979, Un homme, une ville, sur les traces d'Albert Camus avec Jules Roy. Cette émission de Jean Mantel-Betty, réalisée par Jean-Claude Loiseau, est désormais disponible à la page de l'émission Un autre jour est possible, à retrouver en quelques clics en passant par franceculture.com ou les réseaux sociaux habituels. Bonjour André Brinck. Bonjour. André Brinck, pour vous, Albert Camus a beaucoup compté. Dans votre livre de mémoire, Mes bifurcations, édité en France par Actes Sud, vous dites que Camus, c'est votre boussole, ça a été votre boussole, votre bréviaire. D'abord, première question, à quel âge avez-vous découvert Camus et par quel texte ? C'était quand j'étais assez jeune, mais pas trop jeune. J'étais adolescente. Même à l'université, pas avant. Donc, quand j'avais 17-18 ans. Et au début, c'était à travers l'exil et le royaume. Et aussi, surtout au moment du prix Nobel. C'était 58-57 par là, pour la chute. Pour moi, c'était le début. Assez tôt, après avoir lu les contes, j'ai lu le mythe de Sisyphe. Et pour moi, c'était vraiment le moment de découverte. Et après ça, bien sûr, je n'ai rien raté, mais il n'y avait pas trop. Parce que une des raisons pour moi, pour venir en France faire mes études ici, c'était la possibilité lointaine de rencontrer Camus. Mais j'ai toujours été assez timide de nature et j'ai beaucoup d'hésitation. Et puis, bien sûr, juste après être arrivé à Paris, vers la fin de 59, il est mort dans cette accident atroce et j'ai raté l'occasion de jamais lui rencontrer et c'était drôlement apte de se passer comme ça parce que c'était la mort la plus absurde imaginable et donc quand ceci s'était passé, j'étais ahuri, bien sûr. Mais en même temps, je pensais, c'est comme il faut. Mais quand vous êtes venu en France, vous avez lu tout Camus, c'est-à-dire les nouvelles, les essais, les romans aussi. Et qu'est-ce qui vous a attiré chez Camus? Est-ce qu'il y a eu une identification? Est-ce que vous, André Brink, en blanc vivant dans un pays majoritairement noir, l'Afrique du Sud, vous vous êtes senti des affinités avec Albert Camus, Albert Camus d'Alger? Ça, c'était quelque chose qui était venu un tout petit peu plus tard, quand j'étais venu en France. En arrivant ici, nous habitions, ma femme et moi, c'est drôle de le dire maintenant, mais sur les Champs-Élysées, parce qu'il y avait une maison d'écrivains, du Peine internationale qui se trouvait là et on s'y est installé pour les deux, trois premiers mois de notre séjour. Et dans les Champs-Élysées, sur toute sa longueur, il y avait des lignes de militaires tous les 100 mètres. Avec des mitraillettes, et c'était vraiment en pleine guerre d'Algérie. Donc, c'était très évident qu'il y avait quelque chose de terrible qui était en train de passer. Et c'était donc la conscience de la guerre d'Algérie qui s'était installée sur mon seuil dans les Champs-Élysées. Et bien sûr, je commençais à me poser des questions. Et il y avait des choses qui se passaient presque tous les jours. On ne pouvait ne pas être conscient de la présence de cette guerre dans la conscience des Français. Et comme ça, ceci s'était inséré dans ma conscience à moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'interroger sur la situation sud-africaine d'une autre façon, d'un autre angle. C'est-à-dire ? C'est-à-dire la conscience des conséquences possible de la situation en Afrique du Sud même. Parce que à ce moment-là, on avait l'impression de se trouver assez loin de cet état. Mais avec le massacre de Sharpeville au début de 60, en Afrique du Sud même, à Johannesburg, bien sûr, tout d'un coup, les conséquences possibles de la guerre d'Algérie pour l'Afrique du Sud, les réverbérations et la conscience profonde de la différence entre les races, du conflit des races, m'était devenue une présence dans ma pensée de tous les jours. Mais l'attitude, la position d'Albert Camus vis-à-vis de la guerre d'Algérie a été diversement interprétée. Vous-même, André Brink, quand vous rendant en Algérie, à Alger, pour le 50e anniversaire de l'indépendance, vous avez choqué les Algériens. On a pu écouter hier Kamel Daoud et aujourd'hui un autre témoignage d'un Algérien. Les Algériens en veulent un peu à Camus d'avoir pris une position qui n'était pas clairement pour l'indépendance algérienne. Ah oui, ça c'est sûr. Il n'a presque jamais supporté l'idée d'une Algérie indépendante. Parce que pour lui, ce qui était très important, c'était le sort des pieds noirs en Algérie même. Et je crois là que sur ce point-là, il avait tort, bien qu'on pouvait comprendre très très clairement pourquoi il avait ces sentiments tellement forts de soutien pour les pieds noirs. Donc lui était un. Vous le comprenez? Ah oui, à cette époque-là, je ne le comprenais que très bien. Et aujourd'hui, avec le recul? Non. Non, je crois qu'il avait tort. Et je crois que les événements sur le plan mondial se sont évolués si loin et de façon si forte depuis cette époque qu'on ne pouvait plus penser dans les mêmes termes. C'était devenu impossible. Et je crois que lui serait le premier de se sentir contraint d'accepter les changements dans le monde. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir les mêmes convictions sur le plan politique et philosophique que ceux que lui entretenait en 1960. Donc, je crois que lui, étant ce qu'il était, il devait prendre et il aurait pris conscience de cette évolution, de ces événements, de ce développement. Et certainement, il saurait s'adapter, il faudrait évoluer avec la situation. Donc je n'ai pas de doute à cet égard que lui serait un homme entièrement différent. Est-ce que ça a une incidence sur ses œuvres? Est-ce que vous pensez que l'étranger ne l'aurait pas écrit de la même manière, n'aurait pas eu la même façon de présenter l'arabe dans le roman quelques années plus tard, une fois qu'il aurait pris cette conscience, comme vous le dites, André Brink? Ah, j'en suis convaincu. Parce qu'à cette époque-là, il y avait toujours dans sa pensée une différence frappante entre eux et nous. Bien qu'il faisait de son mieux de comprendre l'autre qui était arabe, il ne s'était jamais inséré dans la peau de cet autre. J'ai l'impression qu'il n'avait jamais profondément essayé de comprendre cet autre arabe. Donc, certainement, après très peu de temps, il aurait dû se rendre compte de l'essence et de l'essentiel de cet autre arabe. Et il aurait écrit un tout autre roman. André Brink, vous-même, vous avez lu Camus en Afrique du Sud. Vous avez monté Les Justes d'Albert Camus, traduit donc Albert Camus, en jouant avec les interdits de l'apartheid qui avait à l'époque. C'était comment cette réinterprétation, cette lecture et puis cette réinterprétation des Justes de Camus? Pour moi, ça reste, ça se trouve au centre de l'œuvre de Camus. Et ça a gardé toute son importance. J'en ai vu en Afrique du Sud même des reprises de la mise en scène d'autres côtés avec d'autres interprétations en Afrique du Sud même au cours des années. Pas dans ma traduction, mais c'était en anglais. Ma traduction était en afrikaans. Et pour moi, c'était important de le lire, de l'entendre, de le voir en afrikaans, parce que ça avait une sorte de conscience augmentée de l'urgence des conflits raciaux en Afrique du Sud même. Vous, à l'époque, vous avez affronté la censure, et vous dites que la censure, parce que c'était quand même le régime de l'apartheid, vous avez demandé à l'époque de changer le titre de la pièce, Les Justes, ça devenait Les Terroristes, et vous dites que ça tombait bien parce que justement, dans la pièce, Camus montrait très bien que ce qu'on appelle les terroristes, ce ne sont pas du tout ce que l'on croit de prime abord. Ah oui, oui, oui. Et pour ça, j'étais sur un plan content des changements qu'on m'a imposés à l'époque, les changements de titre, parce que ça forçait les Sud-Africains de repenser l'idée même qui se trouvait à la base du concept de terrorisme, de commencer à s'interroger sur ce que c'est que les terroristes. Et bien sûr, pour Camus, ça voulait dire quelque chose d'entièrement différent, comme ceci devait être le cas à l'époque où se jouait la pièce. Non, pas la pièce, mais les événements qui donnait naissance à la pièce, donc à la Russie de 1905, avec avant le succès, soi-disant, du terrorisme en Russie, à Moscou et ailleurs, avant le communisme, quand les terroristes étaient conçus comme quelque chose d'entièrement différent. Et c'était donc bien de, peut-être, à l'époque du mise en scène, de la mise en scène du Camus en Afrique du Sud, en 69, où on se trouvait au début de l'interrogation et de la réinterrogation sur la notion du terrorisme, de l'autre et de aussi de l'absurde. Aujourd'hui, est-ce que Camus est lu en Afrique du Sud, André Brink? Oui, je crois qu'il est plus lu qu'il y a 50 ans. Ça fait presque 50 ans. Incroyable. Il est beaucoup plus lu. Il a beaucoup plus de disciples en Afrique du Sud aujourd'hui qu'il y a un demi-siècle. Et je crois que le nom et le renommée de Camus et grandi sensiblement dans le pays de l'Afrique du Sud, dans l'intérim. Mais j'allais dire pour des raisons strictement stylistiques, littéraires, esthétiques, ou pour le contenu philosophique, politique de l'œuvre de Camus. Je crois que parce qu'il avait ce style remarquablement sobre et clair, avec cette lucidité remarquable qui est vraiment quelque chose de caractéristique de Camus, sa clarté, sa, qui lui permettait, qui nous permet de regarder plus nettement l'essence des idées qui sont posées et interrogées dans cette pièce, comme dans le restant de son œuvre. Il est un des écrivains sur le plan stylistique qui est le plus lucide de tous les écrivains du 20e siècle en France, avec cette lumière de pensée qui illumine la pensée de du lecteur, du spectateur, et ça donne une impression de la pensée classique qui le rend valable pour toutes les audiences, pour tous les spectateurs, pour tous les lecteurs, même aujourd'hui, assez longtemps après la vie et après la mort de Camus. La dernière fois que vous avez relu Camus, c'était quand et c'était quoi? Je lui relis toujours. Surtout les essais et les contes. Les nouvelles, donc. Les nouvelles. De l'exil et du royaume. Et aussi, de temps en temps, la chute. Merci, André Brink. Merci infiniment à vous, parce que j'accueille toujours les occasions de parler de Camus, qui m'est tellement cher, qui m'est comme un membre de ma famille. Merci. Demain, on parlera de Camus, mais cette fois-ci, vu des États-Unis. Si vous voulez rattraper l'émission d'hier qui était consacrée à Camus, vu d'Alger, avec Kamel Daoud, ou l'émission d'aujourd'hui avec André Brink, une seule adresse, franceculture.fr, et vous trouverez tout à votre disposition à la page de l'émission Un autre jour est possible. Émission préparée avec Catherine Madure et Arthur Fournier, réalisé par Thomas Duterre. Dans un instant, Marc Vancher, la rédaction et l'actualité, c'est les matins de France Culture. Merci d'être avec nous, bonne journée et à demain.